Le 89.1, la radio culturelle à Québec. Bienvenue à Web Music, c'est Simon Roy en votre compagnie. Encore une fois, je vais partager mes découvertes, des découvertes que j'ai faites sur Internet. Donc, c'est des pièces qui sont disponibles pour téléchargement gratuit. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez télécharger les pièces, les partager avec vos amis. Donc, tout ça est légal et même encouragé. Puis, si vous aimez les pièces, pourquoi pas acheter les albums. Les pièces sont disponibles gratuitement, mais c'est aussi possible de les acheter. Donc, un petit témoignage d'amour envers les artistes. Gênez-vous vraiment pas pour acheter leur album. Cette semaine, la première demi-heure, on va s'attarder sur une étiquette vraiment intéressante qui s'appelle Eardrums Pop. Ça donne dans l'indie pop, le shoegaze, musique à tendance folk, electronica. Donc, c'est une étiquette qui est née d'un blog musical qui s'appelle Eardrum Music. C'est un blog musical qui a débuté en 2007. On va écouter pour la première demi-heure des pièces qui sont sur 4 compilations. Les compilations s'appellent Birdsong, B-Songs, Eardrums, Spring Compilation. Donc, c'est sur 4 volumes. Les deux premières pièces sont sur le volume A. Donc, le groupe s'appelle Cordell. C'est un groupe qui vient de Melbourne, en Australie. La pièce s'appelle Summer 17. Ensuite de ça, c'est un groupe suédois qui s'appelle Art Sick Groans. La pièce s'appelle In a Small Kitchen Song. Puis, ensuite de ça, c'est sur le volume B. Donc, c'est un groupe qui s'appelle The Electones. C'est composé de membres du groupe Exploding Plastics. Leur pièce s'appelle The Untress. Puis, ensuite de ça, c'est un groupe de Oakland en Californie qui s'appelle Cryptocize. Je vous fais entendre leur pièce Mythomania. Donc, je vous le rappelle, tout ça est sur l'étiquette Eardrums Pop. No! Thank you. c'était presque une pièce de Noël avec les petits grelots. Donc, le groupe s'appelle Cryptocize, un groupe qui vient de Oakland, en Californie. La pièce s'appelle Mythomania. Avant ça, c'était The Electones. Donc, comme je vous disais, des membres d'Exploding Plastics. La pièce s'appelle The Huntress. Donc, ça se retrouve sur l'excellent album Bird Songs, Bee Songs, Eardrums Spring Compilation. C'est Volume B. Donc, avant ça, c'était le volume A de la même compilation. Le groupe s'appelle Earthsick Groans, un groupe de la Suède. On a entendu la pièce In a Small Kitchen Song. Puis, on avait débuté l'émission avec le groupe australien Cordell. La pièce s'appelle Summer 17. Donc, je vous rappelle que c'est des compilations qui sont sur l'excellente étiquette Eardrums Pop. C'est une étiquette qui vient de la Norvège, qui est issue du blog musical Eardrum Music. Puis, c'est ça, on va poursuivre avec le volume C de cette compilation-là que je vous invite à télécharger. Il y a vraiment un beau PDF qui vient avec ça, avec toutes les bios des artistes. On voit les pochettes, donc c'est quelque chose qui est extrêmement agréable à télécharger. Pour ça, ben vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org et vous allez trouver un lien pour télécharger ces compilations-là. Donc, c'est ça, on poursuit avec le volume C de ces compiles-là. Le premier groupe s'appelle The Bumblebees. Ça vient de Bristol et Oxford en Angleterre. Je vous fais entendre la pièce The Way. Ensuite de ça, un groupe avec un nom assez intéressant qui s'appelle The Puncture Repair Kit. Je vous fais entendre leur pièce de Motorcycle Song. Donc, ce groupe-là vient de l'Angleterre. Puis enfin, on va entendre deux pièces qui sont sur le volume D. On débute avec The Middle Ones, la pièce Good as New, The Middle Ones qui viennent d'Angleterre, puis également d'Angleterre, The Good Nature de la pièce Rose. Vous allez voir, c'est vraiment excellent comme pièce. Donc, on débute tout de suite avec les Bumblebees. just as bad as me. She's just as mad as me, and I think she has seen almost every side of me. She's always telling me, she is always telling me that you might love someone, but you might not always like them. You might love someone, but you might not always like them. You might love someone, but you might not always like them. Oh, you might love someone, but you might not always like them. Like them. These words and I look at you. Oh, you are far away. Oh, you are far away. Oh, you are far away. Away. Away. I only notice cause I do that too. I'm just as bad as you. I'm just as bad as you. I'm just as mad as you. I'm just the same as you. I'm just as good as you. I'm just as good as you. I'll make this good as new. And you will take this slowly. I am far away, I am far away, yeah, take this from me. I will never be, I will never be like them. I know this girl you see, she's seen every side of me, and every side of me, every side of me is just as bad as you. I'm just as bad as you, I'm just the same as you, I'm just as much to blame as you, I'm just as good as you, I'm just as good as you, I'll make this good as new, I'll make this good as new, as new, as new, as new. Voici quelle doit être la prière de chaque jour. Portez un regard sur Québec, parlez de l'aspect communautaire, politique, environnemental. Ici Raymond Poirier. De quoi parlez-vous? Parlez des dossiers chauds et des grandes questions. Mais on ne demande pas mon avis. Bref, dressez une revue de presse critique, analytique. Le tout saupoudré de culture, de musique, de dégustation. Il n'y a pas de barrière. Vous le dites très bien. Avant 9h, tout est possible, du lundi au vendredi, de 7h à 9h. Je trouve qu'on ne doit pas compliquer les choses. On ne doit pas parler de choses abstraites. Actualité, société, culture, chronique, entrevue, réflexion. Vous les avez connus? Il ne faut pas avoir peur de mélanger tout ça. Oui, c'est très beau, mais ce n'est pas du cinéma. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. De retour à Web Musique, c'est toujours Simon Roy qui est en votre compagnie. On avait entendu tout de suite avant la pause The Middle Ones, un groupe qui vient d'Angleterre, la pièce Good as New. C'était sur la compilation Bird Songs, Bee Songs, Eardrums, Pop Spring Compilation, Volume C. Donc, tout un titre. Avant ça, c'était The Bumblebees avec la pièce The Way. C'est un groupe qui vient de Bristol et de Oxford en Angleterre. Donc, assez de petites musiques pop, ça va se corser pas mal plus pour le reste de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez. Pour ça, rendez-vous au www.webmusique.org. Donc, on va poursuivre avec un groupe qui est sur l'excellente étiquette Lost Children, une étiquette qui nous vient de l'Angleterre. Le groupe s'appelle Helsing Fours, la pièce s'appelle Angle of Depression. Donc, c'est du mat-rock vraiment solide. Puis ensuite de ça, je vous fais découvrir un groupe qui vient de la Russie, David de Saint-Pétersbourg, plus précisément, qui s'appelle Pigeon and Crazy Porridge Makers. Je vous fais entendre la pièce Triptych. Donc, c'est une belle découverte à faire. C'est un album qui est quand même assez long. Ça a l'air d'être enregistré live. J'ai pas beaucoup d'informations. Le groupe étant russe, j'ai un petit peu de difficulté à lire. Donc, je vous laisse là-dessus. On va entendre Helsing Fours pour tout de suite à Web Music. We'll be right back. Toute une belle découverte cette semaine. Le groupe s'appelle Pigeons and Crazy Porridge Makers. C'était la pièce Triptych. C'est un groupe qui vient de Saint-Pétersbourg en Russie. C'était sur l'excellente étiquette Clinical Archives. Avant ça, ben, le groupe londonais qui s'appelle Helsingfors, la pièce Angle of Depression, c'était sur l'excellente étiquette Lost Children, une étiquette qui nous vient de l'Angleterre. Pour poursuivre Web Music, j'ai une pièce qui s'adresse vraiment pas aux oreilles sensibles. Il s'agit de Mythoclash. La pièce s'appelle An Old Dusk Grows. Mythoclash qui vient de Montréal, qui est aussi connu sous le nom de Swizz. Ça s'écrit SWZ, donc un artiste vraiment pété. Je vous en dis pas plus, je vous fais entendre ça. Ensuite de ça, c'est l'artiste qui vient de Dublin, en Irlande, qui s'appelle Shere Khan. C'est une pièce, c'est un mash-up un peu drum and bass, assez agressif, avec une pièce pour enfants. Donc, la pièce s'appelle Napolitan Dreams Remix. On débute tout de suite avec Mythoclash. Two, three.

C'était Shurkan, la pièce Napolitan Dreams Remix, donc un artiste qui vient de Dublin en Irlande. Donc un espèce de drum and bass assez agressif avec un genre de mash-up avec une pièce pour enfants, donc assez étrange. Puis avant ça, ben une pièce extrêmement brutale par Mythoclash qui reprend des samplings de métal qui brassent ça tout ensemble et ça donne une pièce extrêmement agressive qui s'appelle An Old Dusk Grows. Donc, c'est ça. Ça va être pas mal tout pour Web Music. Je vais vous présenter une dernière pièce, mais avant, je vous rappelle que tout ce que vous entendez à l'émission, c'est possible de le télécharger gratuitement. Vous vous rendez sur le site qui est au www.webmusic.org. Vous avez tout ce qu'il faut pour télécharger. J'ai aussi souvent des vidéos. Donc, c'est une belle ressource si vous recherchez de la musique gratuite. Donc, je vais vous laisser avec une pièce d'un Français qui s'appelle Mox, la pièce Wannabe Nenets. J'ai aucune idée de qu'est-ce qu'un Nenets. Mais donc, c'est ça, je vais vous laisser sur cette pièce-là. Puis ensuite, ça va être le jour du Seigneur avec le Père François. Donc, restez à l'écoute de CKRL. Bonne soirée. Thank you. À Sainte-Pétronille, île d'Orléans, nous vous offrons la musique de chambre tout l'été. Des musiciens réputés, de grandes œuvres du répertoire classique et un site aux qualités acoustiques exceptionnelles. Ce jeudi 2 juillet, Musique de chambre à Sainte-Pétronille présente la Soirée des Jardins, avec la soprano Monique Pagé, Claire Marchand à la flûte, André Moisan à la clarinette, David Ellis au violoncelle et Martin Dubé au piano. Au programme, Berlioz, Saint-Saëns, Chausson, Ravel, Schubert et Mozart. Billets en vente sur le réseau Billetek. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec.